Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 27 avril et c'est une joie de vous retrouver après ce week-end. C'est tout aussi une grande joie de retrouver quelqu'un qu'on connaît très bien ici à France Culture, que vous connaissez sur France Culture, François Chalin, qui a été très longtemps notre tête chercheuse en ce qui concerne l'architecture, notre spécialiste de l'architecture. Il revient avec nous cette semaine pour nous parler des faces cachées du Corbusier, dans un instant, le premier épisode. Et puis en deuxième partie, je recevrai la jeune et très prometteuse écrivaine québécoise Audrey Villelmy, qui publie chez Grasset une version assez bizarre du conte de Perrault, Barbe Bleue, ça s'appelle Les Sangs, on en parle tout à l'heure à 6h20. Mais tout de suite, tête chercheuse, les faces cachées du Corbusier. Exposition Le Corbusier au Musée national d'art moderne à Paris. Je dis de la ville verte, c'est-à-dire que profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciels, mais non pas des gratte-ciels américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas ? Mais des gratte-ciels modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libres, n'est-ce pas, et d'automobiles sur autostrade, surélevées, là, quand elles sont en transit. Et ensuite, j'ai situé les fonctions de la ville. Les fonctions, c'est habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit. Eh bien, habiter, c'est la première chose. J'ai essayé de montrer comment on pouvait faire des quartiers d'habitation. Et notre tête chercheuse de la semaine est François Chalin, qu'on est particulièrement ravi de retrouver sur France Culture. Bonjour. Bonjour. François Chalin, je rappelle que vous êtes critique d'architecture, que vous avez animé sur France Culture une émission de référence, Métropolitain, de 99 à 2012, et que vous publiez chez Le Seuil un Corbusier. Le Corbusier, les faces cachées du Corbusier, c'est notre série de la semaine, et aujourd'hui, premier épisode, l'homme du XXe siècle. Est-ce qu'on peut présenter Le Corbusier ainsi ? L'homme du XXe siècle, il y a beaucoup d'hommes dans le XXe siècle. C'est sans doute le plus grand architecte du XXe siècle. Enfin, c'est mon avis, je pense que c'est l'avis de la plupart des critiques ou des spécialistes. Pourquoi ? D'une part parce que son œuvre est admirable dans quelque genre qu'elle soit. Il a pratiqué des genres très différents, des genres minimalistes, extrêmement simples, très, très, très retenus du point de vue de l'architecture, des architectures qui étaient comme des épures d'une certaine façon. Et puis ensuite, il a produit après la guerre, par exemple, des architectures beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus tactiles. Il se flattait d'avoir inventé la poésie du mal foutu avec le béton brut des décoffrages qui était plein des échardes, du bois. Il avait inventé d'autres formes d'une grosse plénitude, oui, avec des bris soleil, avec des formes arrondies, avec des... Donc c'est un architecte qui a couvert, du point de vue stylistique, beaucoup des grands moments du XXe siècle. Et par ailleurs, c'est pour le meilleur et le pire, c'est le plus important des théoriciens de l'architecture du XXe siècle. Pour le meilleur et pour le pire, parce que il a fait avancer extraordinairement le camp moderne, on pourra dire plus tard de quoi il s'agit, mais que par ailleurs, ses théories, notamment ses théories d'urbanisme, ont été, à mon avis, tout à fait désastreuses. Et je ne parle pas, pour le moment, de ses théories politiques qui n'étaient pas très plaisantes. Que peut-on dire de la jeunesse et de la formation du Corbusier, François Chalin ? Eh bien, le Corbusier est né en Suisse, dans une famille d'ouvriers de l'horlogerie. En 1887, en octobre, quelques semaines, 5 ou 6 semaines après que Blaise Cendrars naissait à 150 mètres de distance. C'est assez curieux parce qu'ils se connaîtront en 1922, donc devenus très adultes. Ils sont amis relativement. Cendrars se fout traduit radicalement dans la rhapsodie espagnole. Et puis, mais pour autant, ce sont des gens qui sont assez aimés. Et c'est assez rare parce que Corbusier n'a pas beaucoup fréquenté dans le monde de la littérature. Donc là, on a une figure formidable, Cendrars, qui naît quelques semaines avant lui et tout à fait presque à la porte à côté, enfin, dans une rue très voisine. Il est dans ce milieu, c'est une ville très, très, très, très ouvrière, la Chaux-de-Fonds. C'est une ville étrange, c'est une ville qui avait brûlé et qui, selon les théories d'un architecte, médecin, urbaniste qui s'appelait le docteur Faustus, est reconstruite selon une idée tout à fait nouvelle qui était l'idée des immeubles tournés vers le soleil. Non pas tournés vers le soleil pour lutter contre la poliomyélite ou telle maladie, comme le font les hygiénistes, mais tourner vers le soleil pour que les ouvriers d'horlogerie soient bien installés face à la lumière. Donc il est dans ce milieu d'artisans riches. Sa mère est musicienne, son frère sera un pianiste de talent. Et il est destiné, en principe, à se faire un nom comme ça dans l'horlogerie. Il dessine des cadrans et des boîtiers de montres, c'est des montres à gousset. On possède encore une très belle montre à gousset de lui, en métal repoussé. Il a la chance de faire ses études dans une école à Jeux-de-Fonds qui est emmenée dans l'atmosphère un peu de l'art nouveau ou de la fin du XIXe siècle par un peintre qui s'appelle Lé Patenier, excellent peintre d'ailleurs de paysages notamment, qui cherche à créer un style, ce que les Allemands appellent un Heimatstil, un style du pays. C'est une sorte d'art nouveau des montagnes du Jura. Donc on abuse des pommes de pin, de tous ces motifs décoratifs inspirés de la nature, notamment de la nature jurassienne. Et là, dans cette école, ce type, les Platéniers, qui voudrait faire une sorte de communauté idéale. C'est une chose assez courante dans les années 1900. Et dans cette communauté idéale d'étudiants ou d'élèves, puisque c'est une école, il dit à Le Corbusier, tu seras l'architecte. Il répartit les rôles. L'un travaillera les métaux, l'autre sera, je ne sais, tapissier, l'autre sera peintre. Toi, Le Corbusier, tu seras architecte. Ça étonne un peu dans la famille, on n'en voyait pas si haut quand même. Et puis le père note dans son journal assez scrupuleusement qu'on lui a juré qu'il serait quelqu'un de très capable d'être architecte. Alors il se forme, il est autodidacte d'une certaine façon, il va en Allemagne, il fait des voyages comme ça dans sa jeunesse, et il devient le plus grand architecte du siècle. Alors, s'il fallait parler de l'architecture de l'Europe au moment de la jeunesse du Corbusier, François Chalin. Au moment de la jeunesse de Corbusier, ce qui triomphe, c'est pour l'essentiel l'art nouveau, bien sûr, ou l'art nouveau vieillissant, et quelques écoles qui, à Vienne ou à Berlin, tentent de se libérer un peu des arts décoratifs, d'être moins ornementistes. Hein. Donc il est dans ce moment de basculement. Mais ça, c'est sa jeunesse. Ses premières maisons, il construit des choses en deux ou trois maisons, certaines seules, d'autres en collaboration. À la Chaux-de-Fonds, elles sont encore très marquées, soit par des styles, je dirais, régionalistes, pour simplifier, soit par une sorte de néoclassicisme, avec des corniches, avec une architecture très scandée, très régulière, des symétries, des choses comme ça. Son style, le style moderniste, ne se développera qu'ensuite, bien sûr, lorsqu'il sera établi comme architecte à Paris dans les années 1920. En revanche, en 1907, il fait un stage à Paris. Ça, c'est extrêmement important. Il fait un stage chez un architecte qui est encore assez jeune. Il n'a que 17 ans de plus que lui, donc il est juste de la génération au-dessus, qui s'appelle Auguste Perret et qui est l'architecte majeur de ces années d'avant la guerre de 14. Il sera aussi majeur dans l'entre-deux-guerres, puis après la guerre, puisqu'il construira le Havre, la fameuse ville du Havre, et qui est un architecte qui tente, dans une atmosphère générale qui est un petit peu celle du néoclassicisme, des colonnes, des corniches saillantes, des choses comme ça, des rythmiques, des symétries, de développer une architecture propre au béton armé. Donc dans laquelle l'ossature, la structure, la carcasse du bâtiment, en quelque sorte, tient un rôle beaucoup plus important qu'autrefois dans l'architecture classique en pierre. Dans quelle maison, au pluriel, Le Corbusier a-t-il vécu les premières années de sa vie jusqu'à sa formation d'architecte? Il avait d'abord vécu dans la grosse maison, le gros immeuble de 3 ou 4 étages à toit en pente qu'habitait sa famille. Puis il leur construit une maison. Il est assez jeune, il leur construit une très belle maison qui a été restaurée il y a quelques années, qui s'appelle maintenant la Villa Blanche, qui est une maison d'une grande élégance, avec beaucoup de... Elle touchante. Quoi. Il a quel âge quand il construit cette maison? Et je ne sais pas très bien, je pense qu'il a environ 25 ans, quelque chose comme ça. Et puis ça les ruine un peu, ce qui fait qu'assez rapidement, ils sont obligés de la vendre, et ils partent en s'établir sur une extrêmement jolie petite maison qu'il leur construit à Corso, c'est à Vevey, au bord du lac de Genève. Toute petite maison, juste au ras de l'eau, qui est une splendeur. À quoi ressemble cette maison, François Chalin? Celle de Corso? Ouais. C'est une petite chose étendue, à rez-de-chaussée, quasiment à rez-de-chaussée, qui est légèrement contrebas de la route, au bord du lac, avec au fond les monts qui se dressent, et qui est extrêmement jolie, notamment par les vues qu'elle fournit, les encadrements qu'elle fournit sur le paysage. C'est un tout petit bijou extrêmement simple d'architecture moderne. J'ai dit que je ne savais plus très bien quel âge il construisait la maison de ses parents. Je sais très bien, à vrai dire, puisque il y a une photo très stupéfiante. C'est un éléphant qui participe à la construction de la maison. C'est un éléphant d'un cirque allemand. La guerre ayant été déclarée, ce pauvre cirque allemand avait été réquisitionné en Suisse. Et les pauvres éléphants, ils servaient de bêtes pour monter des matériaux dans la maison. Donc il a construit, vous voyez, vers 1915. Comme il est né en 17, ça fait qu'il a 28 ans environ. François Chalin, si maintenant on parlait de l'éducation du Corbusier, est-ce qu'il grandit dans une famille plutôt conservatrice, plutôt religieuse, plutôt marquée politiquement? Est-ce qu'il a déjà un enseignement idéologique quand il est jeune? Religieuses, je ne pense pas. Ce sont des familles qui doivent être calvinistes, puisqu'ils se réclament des cathares. Ils prétendent être français, d'origine française. Donc ce sont des calvinistes. Mais la religion n'a pas une extrême influence directe. Le Corbusier n'a jamais revendiqué une religion au sens où on l'entend très souvent. Quant aux autres questions idéologiques, c'est plutôt une famille stricte, on dirait de droite, voire d'extrême droite, un peu antisémite sur les bords, parce qu'il y a une circonstance très particulière à la Chaux-de-Fonds, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, des Juifs sont venus extrêmement nombreux de France, des Gottsheim, des Juifs d'ailleurs d'origine suisse, qui avaient été chassés quand on a brûlé la synagogue de Bâle, qui s'étaient établis à Eggesheim et qui sont venus s'établir en Suisse pendant quelques années. Dans des conditions d'ailleurs assez difficiles, parce que assez tard, ils n'avaient pas le droit de vivre en ville. Par exemple, ils devaient vivre soit au Locle, soit dans les faubourgs de la ville. Mais ils étaient extrêmement actifs et ils ont réussi à faire toute l'industrie moderne de l'horlogerie, ce qui fait que la Chaux-de-Fonds développait un certain antisémitisme du fait que l'industrie horlogère leur paraissait, en quelque sorte, accaparée par ces étrangers. Ce qu'ils considèrent comme des étrangers. On se retrouve demain, François Chalin, pour continuer à parler du Corbusier, les faces cachées du Corbusier. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre que publie Le Seuil dans la collection Fiction et compagnie, Un Corbusier. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Il est minuit à Montréal et 6h du matin à Paris, mais il est l'heure du crime chez vous, Audrey Villelmi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue nous parler de votre second roman, Les Sangs, qui sort ici en France, chez Grasset, et qui a déjà fait son petit effet chez vous, c'est-à-dire au Québec, à Montréal notamment, où vous vivez, même si vous, vous êtes né à Québec. En effet, ça a bien été à Montréal. On va voir comment ça va se passer en France. Alors, c'est un roman inspiré de Perrault, Barbe Bleue. Un roman à voix qui donne la parole aux sept femmes, plutôt qu'à l'ogre. Un journal à plusieurs chapitres où chacune des femmes livre son récit et son attirance à l'homme qui va certes les aimer, les épouser, mais qui va aussi les assassiner, c'est ça le principe. Et nous découvrons donc ce journal en même temps que les commentaires de Barbe Bleue, avec Barbe Bleue, enfin, votre Barbe Bleue, humanisée, face à sept soumises amoureuses. Vous avez décidé de prendre sa défense, pourquoi ? En fait, je voulais réfléchir à un personnage qu'on pense d'entrée de jeu comme méchant. Ça a pris du temps avant que je décide que ce soit que j'allais partir de Barbe Bleue. Au départ, je voulais humaniser un personnage, quel qu'il soit, un personnage pour lequel on avait un préjugé défavorable. Barbe Bleue est arrivée ensuite, mais là, se posait la question de comment faire en sorte qu'il tue ses femmes et que ce soit légitime, d'une certaine façon, qu'on puisse se poser la question de la légitimité de son geste. Donc, à partir de là, sont venues la question du désir et la question de la pulsion de mort qui habite quand même plusieurs de ces femmes-là. Donc, voilà. Et vous êtes partie d'un sentiment que vous avez eu quand enfant, vous avez lu, ou je sais pas, vous avez lu Barbe Bleue, vous l'avez vu en adaptation cinéma? En fait, c'est pas une histoire qu'on lisait vraiment à la maison. On a lu beaucoup de contes, mais pas vraiment celui-là. Par contre, il y avait une émission de contes qui existait au Québec, qui n'existe évidemment plus maintenant, qui s'appelait Inimini-Majimo, dans laquelle, pendant une semaine, on explorait un conte à chaque... C'était une demi-heure par jour, tous les jours de la semaine, puis c'était un conte par semaine. Et une semaine, c'était le conte de Barbe Bleue. Et ça vous a marqué à ce point, Audrey? Mais c'est un peu saisissant quand même, parce que c'était pas suggéré, mettons. C'était assez graphique comme adaptation, même si ça s'adressait aux enfants. Et l'histoire de Barbe Bleue, quand la jeune femme rentre dans la pièce avec les corps accrochés, c'est un peu saisissant. Donc, enfin, je dois dire que ça m'avait un peu impressionné, oui. Et donc, c'est resté dans votre mémoire? Ben, c'est revenu, enfin, au moment où je me demandais quel personnage travailler pour mon roman, ça c'est clair, c'est revenu assez vivement. Alors c'est assez osé, c'est audacieux, mais Audrey Villalmy, est-ce que c'est le bon moment justement de prendre la défense d'un serial killer comme Barbe Bleue? C'est sûr qu'il n'y a jamais de bon moment de toute façon pour prendre la défense d'un serial killer. Mais aujourd'hui, plus que jamais. En fait, il faut dire que le contexte dans lequel le roman a été publié n'était pas prévu pendant que je l'écris. Moi, j'ai écrit ça pendant 3 ans. J'étais enfermée chez nous. Puis là, tout à coup, parce qu'en plus, vous ne savez pas, mais au Québec, toute la question des droits de la femme, la question du consentement notamment, est très polémique en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de... La question du sadomasochisme aussi, ça crée beaucoup de remous. Et finalement, le livre est sorti à peu près au pire moment où il pouvait sortir. Non, je crois que j'ai raté quelques débats, quelques polémiques. Ah oui, en ce moment, la question du consentement, notamment dans les universités, mais parce que... Le consentement de quoi, de qui, de pourquoi? Le consentement dans les relations sexuelles en général. Mais notamment avec des personnes en position d'autorité. Parce qu'il y a eu un scandale avec un animateur de Radio-Canada en anglais et ça a fait polémique parce que là, il y a eu plein de gens qui ont, sur Twitter, avec un hashtag agression non dénoncée, qui ont commencé à dénoncer des agressions qu'elles ont vécues. Puis là, moi, j'arrive avec un roman où essentiellement les femmes appellent la violence beaucoup plus qu'elles la fuient. Donc, ça tombait pas super bien. Alors, et vous, c'est quoi votre avis dans tout ça? Dans la polémique? Mm-hmm. C'est un avis un peu complexe. Je pense que la polémique avait lieu d'être parce qu'il fallait briser le silence sur certaines choses, mais elle a entraîné un problème complètement différent qui a été de dénaturer complètement ce qu'est la violence et la violence sexuelle, le viol notamment, puisque tout à coup, mettre une main sur un sein ou se faire prendre les fesses dans le métro, ça devient des agressions, ben, on perd un peu le sens de la mesure? Oui. Donc, je ne fais que terminer vos phrases. Oui, non, c'est... Moi, je fais très attention. c'est délicat comme sujet, mais en même temps, c'est ça. Je pense que donc l'intention initiale était bonne, mais il y a eu quelques dérapages. Revenons à votre Barbe Bleue. Est-ce que... quand je dis que vous l'humanisez, c'est que non seulement ce sont les femmes qui sont prêtes à jouer ce jeu d'être sacrifiées au nom de l'attirance, de l'amour et des jeux un peu plus pervers, mais en plus, pour bien montrer que vous avez quand même une sympathie pour ce personnage, à un certain moment, il tombe amoureux, c'est-à-dire lui-même, il tombe dans le piège de l'amour. Effectivement, c'est un peu un roman aussi qui porte sur les relations amoureuses qui se rencontrent jamais, finalement. C'est essentiellement des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes tout le temps. Dans le Barbe Bleue en question, s'aime lui à travers le regard que posent ses femmes sur lui. Et ces femmes s'aiment elles-mêmes parce qu'il les choisit. Donc, finalement, chacun est tourné vers soi et vers son... C'est un désir très narcissique. Mais lui tombe amoureux d'une de ces femmes-là qui est la plus narcissique de toutes et qui ne s'intéresse absolument pas à lui. C'est la rebelle, hein? Oui, puis c'est aussi un personnage beaucoup plus fou encore que les autres, mais fou d'une façon plus, plus clinique, plus médicale que les autres. Donc, il n'a pas choisi la meilleure pour tomber en amour. Et Audrey Villalmy, ce roman, L'essence, c'est aussi une manière à vous d'agencer plusieurs voix, donc de travailler sur l'écriture. Mais parlons des personnages, parlons des femmes. Comment est-ce qu'on peut dire que vous avez interprété un peu tous les rôles? Parce que on voit bien que ce roman est constitué de plusieurs journaux intimes, relus et commentés par Barbe Bleue, agencés par l'auteur, c'est-à-dire par vous-même. Est-ce que vous avez interprété un peu tous les rôles de votre tête? Est-ce que vous avez, à chaque personnage, c'est-à-dire Mercredi, l'adolescente rêveuse, Constante, la botaniste, il y a une danseuse étoile, il y a aussi la grosse bourgeoise dans tous les sens du terme, il y a la femme fatale, il y a la jolie rousse tourmentée, et puis il y a même Marie, la domestique plus ou moins soumise par rapport aux autres femmes. À chaque fois, vous avez interprété un rôle et trouvé un style narratif différent? C'était un des exercices du texte. Ce texte-là a été écrit dans le cadre de ma thèse. Et au Québec, on peut faire des études doctorales en création littéraire. Et donc, c'était pour mon doctorat en partie. Et c'était un des éléments que je voulais travailler. Parce que, donc, Les Sens, c'est mon premier roman publié en France, mais j'en avais publié un autre avant au Québec qui s'appelle Os. Et j'avais eu énormément de difficultés à faire parler les personnages dans ce premier roman-là. Et je m'étais dit, il faut que je trouve une façon de construire un texte où c'est seulement ça que je vais pratiquer, que je vais développer, je vais pousser plus loin. Donc, créer une pluralité de voix narratives, mais ça forçait à réfléchir à différentes manières de faire en sorte que les gens s'expriment en fonction de leur milieu, en fonction de leur bagage, puis tout ça. Donc, oui, il y a une part de moi, évidemment, dans chacun des personnages, mais il y a surtout beaucoup de lectures d'autofiction féminine qui a aidé. Par exemple? Mais par exemple, il y en a qui vont retrouver l'amant dans Abigail, l'amant de Duras, qui est dans Abigail, la danseuse. Il y a beaucoup de tics de langage qui sont inspirés de certaines tournures de Duras. Il y a Nelly Arcand que j'ai lu pour écrire La Rousse, là, qui a des phrases fleuves où il y a beaucoup, beaucoup de mots, en fait, pour dire peu de choses. Donc, c'est pas un défaut, mais dans le sens où c'est des très, très longues phrases qui essaient de traduire une pensée qui va un peu en boucle, en fait. Donc, ça, c'est clair qu'Nelly Arcand a aidé. C'est les seuls qui me viennent en tête. J'ai lu aussi Annie Ernaux, qui a été très utile pour Félie, justement celle que vous dites, La Femme Fatale, donc qui est beaucoup plus droite au but, une langue sèche, plus raide, plus avec aussi moins de vocabulaire. Là, au lieu de changer, mettre plein de synonymes, puis tout ça, on va avec les mots tels qu'ils sont, donc quelque chose de plus direct, de plus franc. Et c'est le style qui vous réconforte quand vous décrivez la psychologie du personnage, c'est à partir du style que vous démarrez, ou au contraire, vous avez une idée de ce qu'est ce personnage, parce que vous dressez autant de portraits de femmes, et après, à chaque portrait, vous essayez de trouver un style qui lui va, qui lui sied à merveille, d'après vous? ça a été l'un et l'autre, en fait, dépendamment des femmes. Les femmes n'ont pas été écrites dans l'ordre. Ça m'a pris 3 ans à écrire ce roman-là à temps plein. Donc, il y a certaines femmes, la danseuse Abigail, je l'ai écrite en 5 jours. Puis après ça, je l'ai à peu près pu retoucher parce que c'était ça. Mais ça m'arrive jamais, à peu près. Donc, tandis que Marie Descente, j'ai retravaillé jusqu'à comme 3 semaines après la date où j'aurais dû remettre le manuscrit du roman. Donc, ça a été... Certaines sont apparues d'un coup, certaines, ça a passé par le style. Marie Descendre, c'est exactement ça. J'avais décidé finalement d'aller avec des fragments. Puis là, c'est vraiment la forme fragmentaire qui a dicté la voix du personnage, tandis qu'avec la danseuse, ben c'était physique comme écriture, puis ça allait de soi. Ça coulait de source. Et si je vous demandais de choisir une des épouses de Barbe Bleue, de votre Barbe Bleue, Audrey Villalmy, et de lire donc un extrait de votre roman, le premier paru en France, mais le second, Les Sangs, chez Grasset, qu'est-ce que vous allez choisir? Ben, je choisirais la cinquième, qui est celle qui elle s'appelle Félie Léanor, qui est celle qui choisit le plus clairement sa situation et qui la réfléchit. C'est la seule qui se pose la question de la légitimité morale de ce qui se passe. Toutes les autres, c'est complètement occulté, donc c'est la seule qui l'interroge. Je vous lis ça? Ouais, avec plaisir. Donc, la mort et la violence sont des choses qu'on doit absolument voir comme mal, mais moi, elles ne me gênent pas. Les gens pensent que cette indifférence-là naît dans l'horreur, comme si la dureté du monde devenait une habitude. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que la violence fait partie de l'harmonie de la vie. C'est quand il n'y en a pas qu'on s'habitue le mieux à elle, parce qu'alors l'esprit doit l'inventer pour que les choses restent en équilibre. Ce mécanisme-là marche comme n'importe quel autre. Dans un milieu protégé du mal, l'absence de violence fait du danger quelque chose d'inconnu. Que cette chose-là soit inconnue engendre la peur. La peur d'un danger fait en sorte que ce danger est imaginé très souvent. Il ne survient jamais. À force de penser à ce danger, le cerveau transforme la peur en autre chose. La curiosité, j'imagine. L'envie de savoir ce qu'il y a derrière cette chose-là qui est imaginée sans arrêt. Alors, le danger devient une obsession qui n'aboutit jamais à rien. Les pensées sont toujours celles de la violence. Elles deviennent un fantasme qui ne se réalise pas, ou parfois oui, il se réalise, mais seulement à moitié, en jeu, dans un environnement contrôlé, comme dans le lit où Philéor m'étrangle pendant le sexe. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est vous, ce personnage? Est-ce qu'on peut dire que vous pensez à peu près comme elle, comme votre personnage? Non. Mais on peut dire par ailleurs que c'est quand même l'un des élans derrière le projet. Cette question-là de la curiosité de la violence qui arrive jamais. Je viens pas d'un milieu très difficile, j'ai pas eu... Donc, non, j'ai pas vraiment envie de me faire assassiner pour le plaisir de savoir ce que ça fait. Mais reste que c'est quand même un moteur d'écriture, d'essayer de comprendre des choses qui sont extérieures à soi. Puis donc, cette violence-là, elle reste inconnue, elle reste insaisissable pour quelqu'un qui vient d'un milieu tranquille, calme, heureux. Comme vous! Alors justement, je veux bien croire que c'est une belle réflexion qu'on peut se faire à partir de cette paisible, belle province qui est la vôtre, Audrey Villalmy, mais je sais que à Montréal, il y a un vrai mouvement féministe. Comment ils ont réagi à votre roman, Les Sangs? Mais en fait, les gens sont pas très... contestataire. Ça n'a pas fait de grands débats ou de grands émois, mais c'est sûr que c'est un roman qui va contre une certaine pensée féministe, mais à mes yeux, qui est très loin d'être anti-féministe, puisque ces femmes-là choisissent. Et c'était beaucoup cette question-là aussi que je voulais pousser plus loin. C'est la question du droit de choisir la violence. C'est un peu comme... les débats sur le voile et autre chose du genre. Mais ça reste dans le livre. En tout cas, c'est l'idée d'aller voir plus loin que ces femmes-là sont dominées puis elles sont assassinées par leur mari. C'est OK, ces femmes-là choisissent la sexualité qu'elles veulent puis elles la vivent comme elles veulent. Puis ça regarde personne d'autre qu'elles. Essentiellement, c'est un peu... Donc, il y a une façon de lire puis de dire oui, mais c'est la société patriarcale qui les amène à faire ces choix-là puis à demander à... C'est ce qu'on m'a dit, être dans cette position-là. Mais à partir de là, je veux dire, oui, mais on peut pas tout reconstruire comme ça. Donc, à l'intérieur du roman, les femmes sont libres, elles font ce choix-là. Et pour moi, ça, c'est pas anti-féministe, au contraire. Et nous attendons vos réactions à la page de l'émission L'autre jour est possible sur franceculture.fr ou à la page Facebook de l'émission. Merci Audrey Villalmy d'être passée nous parler de votre roman édité chez Grasset, Les Sangs. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. C'était L'autre jour est possible, préparé avec Henri Leblanc et Sacha de Persin, réalisé par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Julien Doumanque. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture. Thank you.